Chapitre 13. Le colonel Fitzwilliams plut beaucoup aux habitants du presbytère, et les dames avouèrent que sa présence devait rendre leur visite à Rosings beaucoup plus agréable. Il se passa cependant quelques jours sans qu'elles reçussent d'invitation. Depuis qu'il y avait du monde, elles y étaient moins nécessaires, et ce ne fut que le jour de Pâques qu'on les honora de quelque attention. En sortant de l'église, on les pria de venir passer la soirée au château. Il y avait près d'une semaine que ces messieurs étaient arrivés. Depuis lors, on avait très peu vu Lady Catherine et sa fille. Le colonel Fitzwilliam s'était venu plusieurs fois au presbytère, mais on n'avait revu Mr. Darcy qu'à l'église. L'invitation fut acceptée comme on le faisait toujours, car on n'imaginait pas pouvoir jamais refuser, et à l'heure convenable, toute la famille de Hunsford arriva dans le salon de Lady Catherine. Sa seigneurie les reçut poliment, mais il était clair que leur société ne lui était point si agréable que lorsqu'elle était seule. Elle était tout occupée de ses neveux, surtout de Darcy, qu'elle entretenait plus qu'aucune des autres personnes qui étaient dans la chambre. Le colonel Fitzwilliams parut charmé de les voir. Toutes les visites qui arrivaient à Rosings étaient pour lui une heureuse distraction, et la jolie amie de Mrs. Collins lui plaisait surtout beaucoup. Il s'assit à côté d'elle, la conversation roula sur les comtés de Kent et de Hertford, sur les voyages, sur la vie sédentaire, sur quelques livres nouveaux, sur la musique, etc. Il parla avec tant d'agrément qu'Elisabeth ne s'était jamais tant amusée dans cette chambre. Leur conversation était si gaie, si animée, qu'elle attira l'attention de Lady Catherine et même celle de Mr. Darcy, dont les yeux se tournaient fréquemment sur eux avec l'expression de la curiosité. « Que dites-vous, Fitzwilliams ? » s'écria enfin Lady Catherine à haute voix. « De quoi parlez-vous ? » « Que dites-vous, Miss Bennet ? De quoi est-il donc question ?»« Nous parlons de musique, madame, » dit Fitzwilliams, lorsqu'il ne put plus éviter de répondre. « De musique ? En parlez plus haut, je vous prie. De tous les sujets, c'est celui que je préfère. Je dois prendre part à votre conversation, car il y a peu de gens en Angleterre, je crois, qui jouissent plus de la musique que moi, et qui en aient plus véritablement le goût. Si je l'avais apprise, je serais devenu d'une très grande force. Anne aussi. Si sa santé lui avait permis de s'y appliquer, je suis persuadé qu'elle aurait joué délicieusement. Georgina a-t-elle fait des progrès, Darcy ? » Mais ce Darcy assura que sa sœur avait fait de très grands progrès. « Je suis bien aise d'apprendre cela, » répondit Lady Catherine. « Dites-lui de ma part, je vous prie, qu'elle ne peut pas espérer de devenir forte si elle ne s'exerce pas beaucoup. Je vous assure, madame, qu'elle n'a pas besoin de ce conseil, elle travaille constamment. Tant mieux. Elle ne saurait trop le faire, et lorsque je lui écrirai, je lui recommanderai de ne pas se négliger. Je répète fréquemment aux jeunes personnes que la supériorité dans la musique ne peut s'acquérir que par une pratique constante. J'ai dit plusieurs fois à Miss Bennet qu'elle ne jouerait réellement pas mal si elle s'exerçait plus souvent. Et comme Mrs. Collins n'a point d'instrument, elle sera là très bien reçue ici. Je lui ai dit de venir tous les jours jouer sur le piano qui est dans la chambre de Mrs. Jenkinson. Elle ne gênera personne dans cette partie de la maison, vous comprenez ? » Mais ce Darcy eut l'air un peu honteux de ce manque de tact de sa tante et ne répondit rien. Après le thé, le colonel Fitzwilliam se rappela à Elisabeth qu'elle lui avait promis de jouer quelque chose. Elle alla tout de suite s'asseoir au piano et il prit une chaise à côté d'elle. Lady Catherine écouta la moitié d'une romance, puis recommença à parler à son autre neveu, jusqu'à ce que ce dernier, s'éloignant d'elle, s'avança vers le piano et se plaça de manière à bien voir la belle musicienne. Elisabeth se tournait vers lui à la première pause et lui dit avec un sourire malin « Vous espérez sans doute m'intimider, monsieur Darcy, en venant ainsi d'un air si décidé à m'écouter. Malgré la supériorité de votre sœur, je n'aurai point peur. J'ai un certain entêtement qui ne me permet pas d'être intimidé selon la volonté des autres. Mon courage augmente à proportion des efforts que l'on fait pour l'abattre. Je ne vous dirai point que vous vous trompez, car je sais que vous ne pouvez pas vous imaginer que j'ai l'intention de vous intimider. Mais j'ai le plaisir de vous connaître depuis assez longtemps pour savoir que vous vous plaisez souvent à avancer des choses que vous ne croyez pas. » Elisabeth se mit à rire de tout son cœur de cette peinture d'elle-même et se tournant vers le colonel Fitzwilliam, elle lui dit « Votre cousin vous donnera une charmante idée de moi. Il vous enseignera à ne pas croire un mot de ce que je dis. Je suis bien malheureuse d'avoir rencontré quelqu'un si fort en état de faire connaître mon véritable caractère. dans une partie du monde où j'avais espéré me faire passer pour digne de foi. En vérité, Mr. Darcy, il est bien peu généreux à vous de raconter tout ce que vous avez appris sur mon compte dans le Hertfordshire. Permettez-moi aussi de vous dire que cela n'est pas prudent. C'est me provoquer à user de représailles. Et il pourrait en résulter des choses que vos parents aimeraient mieux ne pas entendre. Je ne vous crains pas, dit-il en souriant. Je vous en prie, s'écria le colonel Fitzwilliams. Dites-moi de quoi vous l'accusez. Je veux savoir comment elle se conduit avec les étrangers. Vous saurez donc. Mais préparez-vous à une terrible accusation. La première fois que je le vis, c'était dans le Hertfordshire à un bal. Et que croyez-vous qu'il fit à ce bal? Il ne dansa que 4 fois. Je suis fâché de vous faire de la peine, mais cela est ainsi. Il ne dansa donc que 4 fois, quoiqu'il eût fort peu d'hommes et plusieurs jeunes personnes de ma connaissance sur les banquettes faute de danseurs. Miss Darcy, vous ne pouvez nier le fait. Je n'avais l'honneur de connaître que les dames avec lesquelles j'étais venu. C'est vrai. Et l'on ne peut point se faire présenter dans un bal? Eh bien, colonel Fitzwilliams, que dois-je jouer? Mes doigts attendent vos ordres. Peut-être aurais-je mieux fait de chercher à me faire présenter, mais je ne sais pas me mettre en avant et me faire valoir aux yeux des étrangers. Demanderons-nous à votre cousin l'explication de ces paroles, dit Elizabeth à Fitzwilliams. Lui demanderons-nous pourquoi un homme raisonnable, qui a reçu une bonne éducation, qui a vécu dans le monde, ne sait pas se présenter devant des étrangers. Je puis répondre à votre question sans avoir recours à lui, dit Fitzwilliams. C'est parce qu'il ne veut pas s'en donner la peine. Certainement, dit Darcy. Je n'ai pas le talent qu'ont quelques personnes de lier facilement conversation avec des gens qu'elles n'ont encore jamais vus. Je ne puis, comme elles, saisir leur genre d'esprit, ni avoir l'air de m'intéresser à ce qui les regarde. Mes doigts ne parcourent pas cet instrument d'une manière aussi brillante que ceux de bien d'autres femmes, dit Elizabeth. Ils n'ont pas la même force, la même rapidité et ne produisent pas les mêmes effets. Mais aussi, je suppose que c'est ma faute, parce que je n'ai pas pris la peine de les exercer. Je ne pense pas qu'ils eussent été moins capables que ceux des autres femmes de parvenir à une exécution supérieure. Darcy sourit et dit « Vous avez parfaitement raison, mais vous avez beaucoup mieux employé votre temps, et tous ceux qui vous entendront devront avouer qu'il ne vous manque rien. » Ici, ils furent interrompus par Lady Catherine qui les interpella pour savoir de quoi ils parlaient. Elizabeth se remit tout de suite à jouer. Lady Catherine s'approcha, et après l'avoir écoutée quelques minutes, elle dit à Darcy « Miss Bennet ne jouerait point mal du tout, si elle s'exerçait davantage et s'il pouvait avoir un maître de Londres. Elle a une bonne méthode, mais elle n'a pas autant de goût qu'Anne. Anne aurait été une délicieuse musicienne si sa santé lui avait permis d'apprendre la musique. » Elizabeth regarda Darcy pour savoir s'il approuvait de bon cœur les éloges donnés à sa cousine, mais ni dans ce moment ni dans aucun autre, elle ne put apercevoir le plus léger symptôme d'amour, et cependant, de toute sa conduite avec Miss de Bourg, elle ne put tirer aucune conclusion en faveur de Miss Bingley. Lady Catherine continua ses observations sur la manière de jouer d'Elizabeth, les entremêlant toujours de beaucoup de conseils sur le goût et l'exécution. Elizabeth les reçut avec politesse, et la prière des deux cousins resta au piano jusqu'au moment où la voiture de sa seigneurie fut prête à les ramener.